Je poursuis donc ma lettre et l'exposé de mes pensées. Sachez qu'en Angleterre, au XVIIIe siècle, les citoyens qui habitaient la campagne ne pouvaient se rendre en ville que munis d'un laissez-passer. Autrement, ils étaient punis par une amende, emprisonnés, puis obligés de retourner dans leur village. Cette mesure était appliquée en vertu d'une loi dite contre le « vagabondage ». Faut-il admirer ou déplorer l'ingéniosité de la cynique hypocrisie ? À sa manière, elle déclarait que les villes ne pouvaient pas accueillir toute la misère des campagnes. Cette abjecte allégation a été répétée, voilà quelques décennies, par un homme politique français, un premier ministre. Bien qu'ayant la particularité de se proclamer socialiste, il déclara que la France ne pouvait pas, je cite textuellement, accueillir toute la misère du monde. En apprenant cette affirmation, j'ai eu de la peine à faire taire ma colère pour la remplacer par de la compassion. Comment donc l'esprit d'un dirigeant d'État, se parant d'une doctrine normalement de solidarité, peut-il ignorer ou faire semblant ce que les experts mondiaux les plus honnêtes et les plus sérieux ont démontré? Le progrès technique et scientifique produit assez de ressources pour nourrir l'humanité actuelle, tout entière. Le problème de la misère qui l'afflige ne provient absolument pas du manque de ressources, mais de l'injuste système de distribution de celles-ci. Sa caractéristique est la suivante. Dans le monde, une minorité de riches et de puissants s'accapare les biens de cette planète, au détriment de la majorité des pauvres et des faibles, avec les conséquences que l'on constate chaque jour en regardant le journal télévisé, même s'il est parfois mensonger, faim, maladie, révolte, guerre, terrorisme d'État et terrorisme d'individus, émigration clandestine, etc., etc. Par conséquent, si le premier ministre évoqué était convaincu de sa fameuse déclaration contredite par les experts honnêtes, il était ignorant et donc ne méritait pas d'être premier ministre. Si, au contraire, il connaissait la situation réelle, alors il mentait et donc ne méritait pas le qualificatif de socialiste. D'accord, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais si l'on possède un cœur assez bon pour disposer d'un esprit suffisamment clair, on peut constater ce phénomène. Partout et toujours, la richesse est la cause de la pauvreté, parce qu'elle en profite. Les pauvres existeraient-ils si les puissants, par la ruse ou la violence, ou les deux à la fois, ne créaient pas les conditions pour s'enrichir aux dépens de ceux qu'ils réduisent à la servitude? Ces réflexions ne sont pas seulement les miennes. De tout temps et en tout lieu, les observateurs de la société les plus qualifiés et scrupuleux les ont constatés et démontrés. Même Jésus l'avait déclaré, et de façon véhémente, par sa parabole sur la difficulté des riches d'entrer au paradis. En moins de 2 siècles, voilà donc ce qui a changé. Les villes riches sont devenues les pays riches, et les campagnes pauvres, les pays pauvres. Mais c'est toujours l'abondance qui criminalise l'indigence. Hier, les accusateurs étaient des aristocrates. Aujourd'hui, c'est un socialiste. Pourquoi donc la course aux armements, sinon parce que les dirigeants des nations les plus fortes veulent, chacun pour son compte, avoir la main mise sur les ressources matérielles de la planète, au détriment de tous les autres peuples? N'est-ce pas le motif réel et primordial de la guerre, d'une part entre les riches, et, d'autre part, entre les riches contre les pauvres? Et pourquoi tellement de violence de la part de groupes armés, par-ci et par-là, sinon parce que l'injustice et l'humiliation engendrent la révolte, quelquefois rendue aveugle par les souffrances des plus exaspérés? Quand le langage n'était pas conditionné par la pensée actuellement dominante, on employait des termes plus conformes à la réalité. Dans le domaine économique, exploiteurs et exploités, et, dans celui social, dominateurs et dominés. Ne pas recourir aux mots adéquats à la réalité n'élimine pas celle-ci. Cela ne fait que la cacher. Mais la réalité finit toujours par éclater au visage des manipulateurs de mots. Je n'oublie pas l'autre aspect du problème. Si des êtres humains sont contraints de quitter famille et patrie, la faute n'incombe pas seulement à l'égoïsme des dirigeants des pays riches, mais tout autant aux méfaits des dictateurs des pays pauvres. En accaparant les richesses de la nation qu'ils dominent par la terreur et l'ignorance, ces dictateurs obligent les citoyens à ne plus avoir comme solution que l'exil ou la révolte armée. Parmi ceux qui choisissent la solution pacifique, les uns, bien fournis de diplômes, vont exercer ailleurs leurs capacités, appauvrissant davantage leur pays d'origine et enrichissant encore plus celui d'accueil. Les plus démunis, mais en possession de l'énergie du jeune âge, n'ont qu'une barque ou un camion pour tenter clandestinement un dangereux voyage, avec les risques désormais connus. Et puis il y a ceux qui optent pour la violence. Les uns deviennent trafiquants de drogue ou de femmes, d'autres optent pour le suicide qui entraîne le massacre de civils, ou recourent à d'autres formes d'horreur. Ici, en Italie, j'ai constaté une ignorance diffuse à propos des causes de l'émigration. Ils accusent sans connaître, sans preuve. Ils ne veulent pas savoir la vérité. Très peu d'êtres humains s'exilent par amour d'un autre pays ou par amour d'une personne qui vit dans cet autre pays. Quelques-uns quittent leur patrie par refus de la servitude. Mais la grande majorité se déplace pour fuir la faim ou la guerre, ou les deux à la fois. Voici ce que la vérité oblige à écrire sur les panneaux des frontières. Ce ne sont pas les immigrés qui créent les problèmes du monde. Ce sont les problèmes du monde qui créent les immigrés. À ce propos, ma très chère amie française, qui habite en Italie, a posé une question fondamentale. Je tiens à vous la communiquer. Un être humain, à moins de le tuer, comment peut-on prétendre l'empêcher d'espérer en une terre d'asile? Quelle dérision de croire la lui défendre par des barbelés aux frontières et des navires et avions de surveillance sur mer? Les gens des pays prospères d'aujourd'hui ont la mémoire courte. Ils ont oublié la réalité qui dominait chez eux, voilà à peine 2 siècles. Ils ont oublié ce que je vous ai déjà signalé. Dans leur pays, les paysans pauvres, à la recherche de travail dans les villes, subissaient interdits et vexations. Il a fallu des révoltes et des révolutions nombreuses et sanglantes pour abolir cette ignominie. Ils ont oublié que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, eux aussi, chassés par la misère ou l'oppression, ont émigré vers ce qu'ils ont appelé le « Nouveau Monde ». Ils ont oublié avec quel génocide ils l'ont occupé. Puis encore, j'ai constaté une autre forme d'oubli. Elle m'a causé la plus pénible des tristesses, car j'ai appris à dominer ma colère. J'ai rencontré un immigré qui est en Italie depuis désormais plus de 10 ans. Je l'ai entendu dire « Que l'on vienne dans ce pays de manière régulière, je veux bien. Il faut respecter les lois et les règles. Mais y entrer clandestinement, non, c'est un délit. » Je n'ai pu me retenir de lui poser cette question. Quel est le plus grave délit? Celui d'entrer dans un pays clandestinement ou celui de ne pas porter secours à un être humain en danger? Mon interlocuteur me fixa d'un regard d'incompréhension. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda-t-il, énervé. « Je veux dire ceci. Qu'est-ce qu'un immigré clandestin, un être humain qui fuit la faim ou la guerre, donc une personne en danger? Ne pas le secourir, n'est-ce pas un délit plus grave que celui d'entrer sans papier dans un pays? » L'autre me toisa en grimaçant un demi-sourire narquois, puis me lança. « T'as tes papiers, toi ?» L'amie française me prit discrètement la main et m'éloigna, puis elle murmura « Laisse tomber. Ce type vient d'acquérir la nationalité italienne. » Un coup de couteau au cœur ne m'aurait pas fait plus de mal. Mais je vois le remède. De la même manière que les accapareurs des richesses terrestres, de l'époque esclavagiste, puis de celle féodale, n'ont pas réussi à empêcher les gens qu'ils exploitaient de conquérir, au prix du sang, la liberté de circuler dans leur propre pays, ils n'empêcheront pas, aujourd'hui et demain, la même liberté de circuler sur cette planète à tous ses habitants. Malheureusement, comme toujours, la minorité privilégiée fera payer très cher à la majorité ce droit. Beaucoup de larmes et beaucoup de morts. Et, comme toujours, ces crimes seront justifiés par des raisonnements sophistes, du genre « on ne peut quand même pas, ils sont fous, ils veulent notre ruine, etc. etc. » L'injonction policière traditionnelle « circulez, il n'y a rien à voir » est devenue « ne circulez pas, il n'y a rien à avoir ». Je crois, m'a suggéré mon amie française, que les gens d'ici ont peur du différent, du changement, de l'invasion, de la perte de leur identité, de leur mode de vie, d'être agressés. J'y ai réfléchi longuement, puis j'ai répliqué « D'accord, mais d'où vient cette peur ? Sa cause n'est-elle pas l'égoïsme rapace, ce désir d'avoir plus que les autres et à leur détriment, comme si l'espèce humaine était divisée en lions, en hyènes, en vautours et en fourmis ? Car, enfin, le bien-être des nations puissantes n'est-il pas directement le produit de l'exploitation des peuples réduits à des bêtes qui doivent se contenter de miettes ? L'électricité des maisons d'ici, le gaz des cuisines, le cuivre des téléphones portables, l'essence des voitures et tant d'autres objets, d'où viennent-ils ? Comment ceux qui les gèrent en tirent le maximum de profit ? Sais-tu que dans les pays d'où proviennent ces matières premières, les gens manquent d'eau et de pain, de médicaments, d'écoles et de maisons. Tu m'objecteras, c'est la faute des dirigeants des gouvernements de ce pays. Mais qui leur permet d'agir ainsi? N'est-ce pas les multinationales qui achètent leurs matières premières? Et n'est-ce pas les citoyens des pays développés qui emploient leurs dérivés dans leurs maisons et dans leurs usines en payant la facture aux fournisseurs? Mais alors, rétorqua mon ami avec perplexité, que faut-il dire aux gens? Ce qu'on leur a déjà dit tant de fois, partout, depuis presque le commencement des temps. Vous avez peur? Eh bien, éliminez la cause de la peur, la cause vraie, la réelle, la première, l'unique, la fondamentale, la mère des causes. Et qu'est-elle? Sinon l'injuste répartition des richesses de la planète. N'est-ce pas elle qui engendre les victimes et les révoltés? N'est-ce pas elle qui rend fou, au point de croire faire acte de justice en se suicidant par une bombe qui tuera également d'autres personnes? Éliminez l'inégalité, alors vous établirez la sécurité, alors la peur sera supprimée. Mon ami me fixa avec des yeux qui semblaient avoir besoin de plus d'éclaircissement. J'ai précisé. Tout ce que je viens de dire n'est pas nouveau. En Occident, Diogène et Jésus l'ont dit. En Orient, Lao Tse, Mencius et Bouddha l'ont affirmé, sans citer tous les autres jusqu'à aujourd'hui. Seulement comme tous l'ont déclaré, les humains, à l'esprit cupide, avides et sordides, ne veulent pas, ne peuvent pas comprendre que tous les êtres humains sont, par nature, égaux et ont les mêmes droits. Et, pourtant, tout est clairement rappelé et résumé de manière solennelle, dans un document officiel, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne fais que vouloir l'appliquer. Tout ce que je vous dis, mes chers parents, sœurs et frères, seuls le savent ou acceptent de l'entendre, ici, une minorité de personnes. Ne dit-on pas en Algérie « Celui qui veut comprendre, comprendra ». Comme on affirme en Italie et en France, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mes chers parents, je vous prie, permettez-moi un conseil. Faites attention à ne pas tomber dans le piège habituel. Ce ne sont pas les différences de croyances religieuses qui causent les conflits actuels, mais ce sont les conflits économiques qui déterminent le recours aux religions pour masquer l'enjeu réel. Et cet enjeu, comme j'espère l'avoir bien expliqué, est le contrôle des minéraux qui servent l'activité économique, par conséquent assure la puissance militaire et, donc permette la domination planétaire pour maintenir la disparité aux dépens de la majorité. L'espèce humaine n'est pas encore sortie de la préhistoire où le plus rusé et le plus fort s'accaparent de ce qui existe au détriment du plus honnête et du plus faible. Mais alors, les ressources étaient limitées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ceux qui monopolisent les disponibilités actuelles ont le culot de déclarer que leur lutte est dictée uniquement par des principes de civilisation et de valeurs morales. Devant une telle imposture, inutile de se lamenter et de pleurer. Il faut, au contraire, la dénoncer par tous les moyens, protester et lutter. Autrement, on est complice, qu'on le veuille ou qu'on le dénie. Les intellectuels sont les premiers concernés. Savants, artistes, écrivains et toute personne dont l'esprit produit des paroles ou des images. Malgré tout, en considérant la déplorable situation actuelle, je trouve de bonnes raisons pour pronostiquer une hypothèse optimiste. Comme dans les meilleurs romans de chevalerie, comme dans ceux du bon Rabelais, je parie sur la victoire du bien, du vrai, du bon et du beau, sur le mal, le faux, le mauvais et le laid. Sinon, à quoi bon vivre? Cependant, l'histoire enseigne, ce pari ne s'accomplira que si les asservis secouent leurs joues, avec l'aide des gens dont la bonté écartera l'aveuglement que produit la jouissance de privilèges. Je ne suis pas stupidement vaniteux pour mesurer l'existence de l'espèce humaine à l'échelle de la mienne. N'est-on pas passé successivement de l'esclavagisme au féodalisme, puis au capitalisme? Quant aux tentatives avortées de dépasser ce dernier, leur fin tragique ne signifie pas, comme l'a prétendu un soi-disant grand universitaire, grassement payé par ses commanditaires, la fin de l'histoire, mais d'une duplicité où les prétendus sauveurs n'étaient que des nouveaux dominateurs. Allez, pour vous distraire, je vais essayer de poétiser un peu. Dans le ciel nocturne, le plus obscur, si nous regardons bien, nous voyons des étoiles briller. Et même si une épaisse couche de nuages sombres les cache, nous savons que ces astres de lumière existent. Votre réalisme vous fera répliquer, dans ce dernier cas, qui chassera les nuages? Je réponds, la partie la plus belle de l'humanité. Et ce serait bien que chacun de nous en fasse partie, selon ses possibilités.